Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Profitons de ces vacances pour revoir ensemble les meilleures sorties DVD de la saison. En 1989, Mike O'Donnell était la star de l'équipe de basket de son lycée. Bien que repéré par un recruteur de l'université et promis à un avenir brillant, il décida de tout lâcher pour vivre avec sa petite amie de l'époque, Scarlett, et le bébé qu'elle attendait. Presque 20 ans plus tard, les jours de gloire de Mike sont bien loin. Son mariage avec Scarlett s'est effondré, on lui a encore refusé une promotion professionnelle, ses enfants adolescents le voient comme un loser, et, chassé de chez lui, il en est réduit à habiter chez son meilleur ami. Mais heureusement, un miracle va lui permettre de tout recommencer à zéro. Mike, je te le dis, tu déprimes. C'est vrai, ta femme vient de te foutre dehors. Hé, ce sont mes affaires. Et tes gosses font comme si tu n'existais pas. Est-ce que tu pourrais arrêter cette musique ? Mike O'Donnell est à un âge où l'on a l'impression d'être passé à côté de sa vie. Paraît que vous voudriez pouvoir tout recommencer. Ah oui, ça oui. Accordé. Ah ! Je le crois pas. Ça me fait trop flipper. C'est moi que ça fait flipper, je suis à peine pubère. J'ai la chance de recommencer ma vie, mais sans me planter. Je vais retourner au lycée, tu le crois ? N'aie surtout pas en tête de me faire jouer un rôle dans ton histoire de flic. Je viens pour inscrire mon fils. C'est incroyable ce que tu peux ressembler à mon mari. 17 ans encore, une comédie avec Zac Efron, un DVD métropolitain.